Éclat de lumière sur Fadjet. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Victor et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Éclat de lumière du mois de février. Une émission qui s'inscrit finalement dans le prolongement de celle du mois de janvier, puisque nous allons, durant une heure à ce micro, parler d'art, parler de couleurs, parler de toiles, d'inspiration artistique et d'exposition avec mes invités. Et je salue pour commencer, en tant que chroniqueur cette fois-ci, notre cher ami Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour à tous. Tout d'abord, vous en avez l'habitude à ce micro, vous l'avez déjà entendu, tantôt comme invité, tantôt comme chroniqueur, il gravite dans l'équipe de Lumière en Art depuis un petit moment maintenant, c'est Jean-François Vineau, photographe, peintre, artiste numérique, éclectique et génial, qui vient nous parler de sa prochaine exposition en partenariat avec Lumière en Art. Bonjour François. Bonjour Jean-François, Victor. Pardon. Ouais. Bonjour Victor, bonjour tout le monde. Et enfin, je suis ravi d'accueillir dans cette émission Fabio Purino, un artiste nancéen reconnu qui a exposé à Nancy, mais pas que, qui a exposé ailleurs en France et également en Italie, à Trani, dans de nombreuses galeries d'art et qui vient nous parler plus précisément de sa relation avec l'une d'entre elles, un lieu hybride, un lieu de convivialité qui s'appelle Le Local, situé rue Saint-Dizier. Bonjour Fabio. Bonjour Victor, bonjour messieurs. Pendant une heure donc, nous allons évoquer tous ensemble l'art, ses prochaines expositions, les sources d'inspiration, les toiles. Mais je commence tout d'abord par, comme d'habitude, vous rappeler que vous pouvez nous retrouver en replay donc sur le site de Fadjet, donc en podcast, hein, ainsi que sur les différents réseaux sociaux de Lumière en Art, les deux pages Facebook, Lumière en Art officiel, mais aussi donc sur l'Instagram Lumière en Art, le site internet et le TikTok tout récemment ouvert pour partager un petit peu ces moments de convivialité et ces émissions. Vous en avez maintenant l'habitude, on va commencer pour présenter, pour se familiariser un petit peu avec nos invités, par le spectre des invités, c'est le moment du spectre des invités. Messieurs, on va reprendre un petit peu vos présentations plus en détail, alors je vous le demande, nom, prénom à chacun, allez-y. je commence, donc mon nom c'est Purino, et mon prénom c'est Fabio, donc vous l'aurez deviné, des petites origines italiennes. Effectivement. Oui, et Jean-François Vineau. Alors, quelle est votre profession à tous les deux, messieurs? Alors, je suis à présent à temps complet artiste-peintre. Et moi, je suis architecte du paysage de formation, et je me dirige aussi vers l'architecture, la peinture à 100%. Quelle est la raison, justement, de votre visite? Et alors, comment ça a commencé pour vous, cette relation avec la peinture et avec l'art? Alors, il y a très longtemps, j'ai fait les Beaux-Arts comme école, aux Beaux-Arts de Metz. Après, j'ai toujours gravité dans le milieu artistique ou dans le milieu de la communication. Beaucoup le milieu de la communication. Ça commence souvent comme ça. Oui. On sort des Beaux-Arts, on a, en tout cas à l'époque, ça, c'était un diplôme de poète, donc on pouvait difficilement trouver du travail. Mais j'ai enchaîné avec surtout la télévision, la vidéo, l'infographie, et ça m'a emmené ainsi à faire beaucoup de métiers, comme directeur artistique de la chaîne Arte pendant 14 ans. Et puis j'ai changé, je suis devenu directeur de la communication de la ville de Metz, puis un petit passage à la région, quand elle n'était pas encore Grand Est, et ensuite DIRCOM à Nancy, et jusqu'encore il y a quelques semaines, je travaillais toujours dans la communication pour la métropole. Et en fait, durant beaucoup d'années, juste après les Beaux-Arts, bien sûr, j'ai continué à dessiner, mais à un moment ça s'est arrêté. Et alors ça ne me manquait pas du tout. Et puis des rencontres ont fait qu'il y a quelques années, en 2022, j'ai fait ma première expo et depuis, voilà, il y en a eu d'autres. Le virus de la peinture que j'avais jamais fait. Enfin, j'avais surtout dessiné, fait de l'animation sur des petits formats, mais passer au grand format, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Je l'avais fait aux Beaux-Arts de Metz, mais depuis, plus rien, voilà. Jean-François. Alors, bah, de mon côté, c'est venu de façon empirique un petit peu. Ça fait que 2 mois que je peins. J'avais jamais vraiment essayé avant. J'ai fait un cursus scolaire tourné sur l'architecture du paysage. Et puis, bon, bah, fasciné depuis toujours par la nature, par tout ce qu'elle nous offre, la générosité. Et puis, ma mère avait quand même fait les beaux-arts. Et elle est partie en 96, donc quand j'avais 16 ans. Voilà. Et ben, elle m'a pas transmis, en fait, ce que je voyais quand j'étais petit. J'ai pas pu. Et petit à petit, avec la photographie, la composition photographique, et ben, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je peux faire d'un point de vue pictural avec la peinture pour ajouter un plus, quelque chose de nouveau à mon travail. Et c'est arrivé comme ça, un petit peu dans l'empirisme des recherches. Qu'est-ce qui vous inspire au quotidien? On va revenir sur cette notion d'inspiration, mais si vous aviez un élément, un objet, une musique, quelque chose qui vous inspire au quotidien, qu'est-ce que ça pourrait être finalement? C'est une question difficile, en tout cas. Vaste, vaste. Vaste. Mais ça permet de oui, cerner oui, pour nos vaste auditeurs. programme, dirais-je, je ne sais plus qui. Effectivement. Mais moi, je pense que je m'inspire au quotidien de ce que je regarde. Je regarde beaucoup de magazines, beaucoup de livres d'art. Voilà. Et puis c'est surtout, je vais puiser l'inspiration ou l'émotion dans le passé. Je pense que peut-être ce qui relie les quelques travaux que j'ai faits, c'est ça, c'est ce lien nostalgique avec le passé, donc J'allais c'est dire. un aller-retour. Vous êtes nostalgique, d'une nature un peu nostalgique. Alors les Italiens sont plutôt mélancoliques, mais voilà, c'est un peu les deux peut-être. Et Jean-François, un élément d'inspiration? Je dirais que c'est mes cinq sens. Ah, c'est beau, c'est beau. Vraiment une très belle Et réponse. ben, c'est vrai que ouais, on est guidé parfois de la musique, on se lève, on écoute quelque chose, et puis hop, ça nous amène sur une piste pour la journée. Je me rends compte que ça m'arrive des fois. De plus en plus. De plus en plus, en conscience en tout cas. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, je parle notamment des réseaux sociaux. On va revenir un petit peu sur vos lieux d'exposition et sur les projets qui sont en cours, mais d'un point de vue des réseaux sociaux, site internet éventuel, c'est le moment de vous dire un petit peu où est-ce qu'on peut vous retrouver. On a toujours énormément de demandes des auditeurs là-dessus, c'est tant mieux. Oui, tant Et mieux. c'est pour ça qu'on a ce coup de cœur. Vous êtes nos invités d'honneur ce soir. Pas très compliqué, c'est le moment de ce prendre qui votre concerne, carnet. hein, parce que je suis, bon, c'est sous mon nom, Fabio Purino, Facebook, Instagram, mais ça se résume à ça. Voilà. C'est déjà pas mal pour présenter, pour avoir un bel aperçu Oui, du. non, mais c'est de jolies vitrines et puis des lieux, bien sûr, mais là, c'est Ça, sur des supports de communication. Ouais. on va en reparler après de ces lieux. Et Jean-François? Oh bah jeanfrançoisvineau.com pour mon site internet, où on retrouve Instagram aussi. Et voilà, une exposition à venir bientôt, fin du mois. Fin du mois. Ouais. On va en reparler. On va en reparler de ces belles expositions. Messieurs, on va se laisser avec un premier morceau pour introduire donc cette émission. Quand je l'ai préparé, c'est un de mes derniers coups de cœur d'un point de vue musical récent. Ça s'appelle The Seed. C'est par Aurora, vous allez voir. C'est une chanteuse norvégienne qui s'inspire beaucoup de la nature et de ce qui l'entoure. Finalement, un petit peu ce dont on a déjà parlé. On se retrouve dans quelques minutes pour parler d'art dans Éclat de Lumière. À tout de suite. Just like the seed, I don't know where to go. Through dirt and shadow I grow. I'm reaching light through the struggle. Just like the seed, I'm chasing the wonder. I unravel myself, all in slow motion. You cannot ignore. You cannot. suffocate me, so my tears can be rain. I will water the ground where I stand, so the flowers can grow back again. 'Cause just like the sea, everything wants to land. We are burning our fingers, but we learn and forget. C'était Aurora The Seed sur Fadjet. Vous êtes dans l'émission Éclat de Lumière, comme tous les deuxièmes jeudis du mois. Et nous sommes aujourd'hui réunis pour cette émission autour donc de l'art avec nos invités Jean-François Vineau et Fabio Purino. On va rentrer un petit peu plus en détail donc de votre travail artistique. J'aimerais, pour commencer un petit peu cet entretien croisé, ce qui me semble être un point important, l'une des thématiques de cette émission, vos expositions et ou futurs lieux d'exposition. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces lieux dans lesquels vous avez aussi exposé et pourquoi c'est important pour vous donc en tant qu'artiste d'exposer ces œuvres à ces endroits, que ce soit le local pour Fabio ou la médiathèque de l'Axou pour Jean-François? Bah, peut-être on peut commencer par Jean-François puisque ouais. C'est vraiment l'actualité, c'est plus une expo qui va dans le temps. Ouais, arriver, oui, c'est le 27 février la mise en place. Jour de mon anniversaire. Ouais. Ça ça va me porter chance peut-être. Alors je donne pas mon âge puisque je suis un jeune artiste. Je ne suis plus un gamin. Les artistes intemporels de toute façon. Exactement. Bon, alors oui, donc ça sera fin février, hein, donc à la médiathèque de l'Axou. C'est une commune du Grand Nancy, hein, donc comme je parle beaucoup dans ma composition, mes photographies de l'architecture locale, entre autres, c'est toujours bien de pouvoir diffuser de façon locale aussi, mais j'aurai de l'intercontinentalité, de la nationalité au niveau de l'architecture, donc c'est une base locale, mais qui parle élargie. Ok, ouais. Et alors cette relation au local, Fabio? Alors le local, c'est un lieu que j'ai découvert il y a 3 ans, je crois, 3-4 ans, Et c'est vraiment un lieu qui m'impressionnait, parce que je passais devant pour aller à la boutique des Beaux-Arts, c'est rue Saint-Dizier, c'est un très beau lieu qui fait 150 mètres carrés. C'est un lieu un peu hybride de ce que j'ai compris quand j'ai regardé, quand je passe devant, il y a plusieurs éléments à l'intérieur. C'est un concept, au départ, on peut dire que c'est l'idée de deux personnes, Céline et Franck, et il y a eu d'autres personnes, mais voilà, eux sont les principaux, et Franck est coiffeur, donc il avait l'idée d'installer une galerie dans son salon de coiffure, et je trouve que maintenant, avec le temps, c'est plutôt un salon de coiffure qui s'est installé dans une galerie. Et alors, on n'est pas sur des expos avec vernissage, etc. On est sur du temps long. Il y a une dizaine d'artistes, et on peut exposer 3 mois, 6 mois. D'accord. Voilà. Et c'est-à-dire alors, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs artistes en même temps. C'est-à-dire que ça va être croisé entre... Voilà, il y a des artistes qui restent 3 mois, donc un autre artiste prend sa place, ou en tout cas, ça évolue. Il y a du... Et moi, j'ai planté plusieurs fois ma tente, d'une certaine manière. Je suis toujours resté 9 mois ou 1 an, puis un peu de pause pour... qu'il y avait d'autres chemins peut-être, et je suis revenu là en novembre-décembre, et avec, il y a une nouvelle formule à présent, il y a un peu moins d'artistes, on a un peu plus de place, c'est très aéré, c'est en ce moment, et c'est vrai que c'est important, comme le disait Jean-François, on trouvait des lieux, avoir des personnes qui nous font confiance, là les personnes du local me font confiance, j'ai pu exposer aussi ça, à la galerie de l'atelier. Il n'y a pas beaucoup de galeries, il n'y a pas beaucoup de lieux à Nancy. Il y a la galerie Rographe qui peut-être va évoluer, la galerie de l'atelier, et puis le local. Et en dehors de ça, alors il y a d'autres... C'est vraiment des gens courageux qui croient en quelque chose et qui ont un modèle économique qui n'est pas non plus évident. Et qu'est-ce que ça change d'avoir cette possibilité d'exposer un petit peu dans le temps long comme ça, alors ? Qu'est-ce que ça change dans la démarche artistique ? Qu'est-ce que ça pourrait changer, par exemple, même pour Jean-François, si on avait l'occasion d'avoir plus longuement dans le temps cette possibilité d'exposer des œuvres, même avec d'autres artistes ? Au niveau visibilité aussi, ça permet aux gens qui ne sont pas forcément disponibles de pouvoir y avoir accès à un moment. Mmh. C'est sûr que c'est le long terme. Oui, moi je le vois comme un havre de paix, parce que... Alors après, on a une relation particulière, comme tous les autres artistes, avec les gardiens du temple, hein, Franck et Céline. Maintenant, il y a Marie, et puis il y a toujours eu Mathilde. Et c'est comme ça aussi ailleurs. Et ça permet, sur le temps long, de se dire, je ne vais pas rester toujours avec les mêmes œuvres. Oui, pour avoir un petit turnover. Voilà, ça force à en créer d'autres. Non, c'est une formule qui moi, me convient, c'est mon rythme. En tout cas, c'est le rythme qui me convient, en tout cas, en ce moment. Quelles sont, alors, vos sources d'inspiration ? On en a parlé, de l'élément d'inspiration, mais qu'est-ce qui vous a conduit à mener donc ces expositions ? Je sais que, pour Jean-François, on en a un petit peu parlé, mais il y a pas mal de figures architecturales, que ce soit Lorraine ou un petit peu donc plus loin, si tu peux nous en dire un petit peu plus aussi. J'ai vu quelques figures aussi où là on est plus sur des modèles, des portraits en quelque sorte chez Fabio. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur ce qui compose ces accrochages et ces expositions à l'un et à l'autre? Alors ça varie vraiment, parce que d'abord on part sur un thème, sur une thématique très large pour pouvoir développer plusieurs choses, pour pas s'enfermer. Et après, c'est ce que je vous disais un petit peu en intro, mais je crois qu'on est assez, on a quelque chose qui nous rapproche, c'est d'aller puiser dans nos mémoires, dans notre passé. Après, c'est vrai que je suis très marqué par mon passage aux Beaux-Arts, et à présent, je dirais que je retrouve presque ce... Bien des années plus tard, je retrouve ce terrain de jeu, ou en tout cas ce terrain de toutes les possibilités. Donc j'essaye. Et les artistes qui m'ont marqué à l'époque, comme je dirais Gérard Garouste ou Pierre et Gilles, les photographes, donc c'est plus dans le kitsch. Là, Gérard Garouste, c'est de la peinture qui vécue. et ou le collectif Bazooka, qui est très proche de la bande dessinée. Enfin voilà, ces influences-là ont réémergé. C'est vrai qu'on les retrouve un petit peu quelques années plus tard. Et elles ne sont pas datées, finalement. Enfin, j'ai l'impression. En tout cas, c'est mon... Non, elles entrent en résonance, ouais, avec, à l'heure actuelle, ouais. Le chemin. Et alors, Jean-François, ces figures architecturales. On a déjà parlé la dernière fois que tu es venu à ce micro, on les avait évoquées. Mais alors, quelle place elles occupent dans cette nouvelle exposition? Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est toujours autant présent? Oui, c'est toujours autant présent. Ouais. Et bon, en fait, j'ai repris mes anciennes œuvres. Bon, je suis natif de Nancy, et donc j'ai grandi avec le patrimoine architectural, et j'en découvre toujours, hein, chaque fois que je me promène jusque dans les petites ruelles. Mais là, je reprends globalement les thèmes architecturaux principaux de la place Tan, et puis tout en ayant un œil élargi sur ce qui se passe un petit peu ailleurs. L'été dernier, j'étais à Paris, sous les conseils de Gilles Gosserez. Et là, ça m'a mis devant une architecture où j'avais pas l'habitude d'être écrasé, on va dire. Par exemple, la Défense, je me suis retrouvé au milieu de la cour et waouh! Là, c'est gigantesque. Ouais. Là, on est dans un autre univers. C'est Nancy, version moderne et puissance 1000. Et du coup, ça élargit les horizons de voyager comme ça. Et du coup, dans la nouvelle expo, eh ben, j'élargis le spectre nancéen sur un rayonnement national et international. Et c'est intéressant parce que j'utilise toujours cette base de portes, par exemple, ou des figures, des statues qui ont été créées pour la place Tan, et je les intègre dans mes voyages au fil de mes voyages, quoi, en fait. Donc, intégrées dans mes nouvelles compositions. J'aimerais aussi qu'on revienne un petit peu rapidement donc sur vos techniques à tous les deux, parce que bah malheureusement on est à la radio, j'adorerais que les auditeurs puissent en même temps défiler un diaporama avec les œuvres dont on parle. Ce serait vraiment l'idéal, hein. C'est pour ça qu'on essaie toujours de partager sur les réseaux sociaux avec avec des visuels. Mais alors quelles sont les méthodes? Je sais qu'il y a donc une évolution visiblement du côté de chez Jean-François et du coup chez Fabio. Alors comment ça se passe au niveau de la méthode? C'est uniquement de la peinture? Alors c'est essentiellement de l'acrylique, après il y a peut-être du stylo à billes ou d'autres éléments du crayon de papier, mais en fait au départ, sur les premiers grands formats, comme je venais du papier, je ne me suis pas lancé tout de suite sur de la toile, et j'ai travaillé sur des grands formats papier que je marouflais ensuite sur de la toile ou sur d'autres... support rigide, et parce que j'avais besoin d'être assuré. Et c'est vrai que... Avant de faire le grand bond. Alors, je ne pensais pas faire ce bond, qui est finalement pas si grand que ça. C'est intéressant. Après, c'est une technique très complexe. Hein, il faut tendre le papier, il faut... Voilà, ensuite, le marouflage, c'est quelque chose qui est compliqué. J'en ai même parlé à des encadreurs qui m'ont dit qu'eux aussi faisaient le signe de la croix avant chaque marouflage. c'est vrai, non. Et j'ai eu quelques surprises, pas agréables. Alors, je me suis décidé à passer sur la toile. Au début, ça m'a... C'est une autre façon de... Ça glisse moins. Le papier accroche un peu plus, sèche beaucoup plus vite. La toile, ça glisse un peu plus, ça met un peu plus de temps à sécher, donc ça m'a permis de travailler les transitions, les transparences, le plus possible. Et ça, c'est vraiment la technique. Après, ce qui change, ce qui permet d'évoluer, c'est bien sûr d'acquérir un peu plus de technique, un peu plus de... De compétences. Ouais, de savoir-faire, de je sais pas. Ouais, l'expérience. Et on peut aller plus loin. Et ça peut, c'est tout simple. Au début, j'avais un ou deux personnages. C'est déjà compliqué de peindre. Pour moi, c'était compliqué. Et puis, j'ai pu aller beaucoup plus loin, jusqu'à un triptyque où je crois qu'il y en a 20. Mais voilà, ça donne du courage. La technique en fait on peut faire au bout d'un moment on peut faire abstraction de la technique parce qu'elle nous permet d'aller vers d'autres d'autres ambitions picturales, enfin j'aime pas trop le mot ambition, mais enfin vers d'autres projets. On se comprend. Et alors Jean-François, la méthode a changé. Quelle œuvre à la sauce vino maintenant alors comment on fait? Moi j'aime bien se rappeler les débuts, comment je suis arrivé là. Et donc après mes études, j'aimais bien prendre des photos dans la nature. Et un automne est arrivé et les couleurs étaient vraiment sublimes dans la nature, des morts dorés, des rouges. Et je prenais des photos. Et puis je me suis dit, mais comment je peux réussir à associer plusieurs photos avec chacune leur qualité de graphisme, de couleur? Et c'est là que j'ai commencé sur mon ordinateur avec des logiciels de composition, de dessin, à réussir à lier, à essayer plutôt de lier tout ça au fil des saisons. Et puis j'ai fait mes premiers tirages, mes premières expos, donc sur la nature, le thème de la nature. Et puis est venu après ça le patrimoine. Et aujourd'hui, j'ai ressorti des toiles du grenier qui avaient 10 ans, que je pensais qu'ils étaient un peu, visuellement, les couleurs me plaisaient pas au niveau du tirage. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux essayer de faire dessus? J'ai rien à perdre, de toute façon, c'est une toile, elle est vouée à rester là si je fais rien. Et donc j'ai commencé à peindre dessus, et j'ai trouvé que ça crée une unité qu'il n'y avait pas avant. Et maintenant, j'ose sortir ces toiles et j'en crée des nouvelles. Donc toujours pareil, avec support végétal, architecture, plus une couleur et une liberté d'expression que le pinceau permet. Alors qu'avant, j'étais figé avec des logiciels, voilà. Donc là, il y a carrément une énergie, énergie propre. On sent qu'il y a de la liberté. Et voilà. J'ai réussi. Il m'arrive aussi de reprendre des toiles anciennes ou des... C'est extraordinaire. Que je voulais vraiment plus. Mais c'est vraiment les beaux-arts. On nous a toujours dit ne jetez jamais rien. Ah bah voilà. Voilà. Et ça peut revenir. Et bah, c'est vrai, on sent beaucoup de. Ah oui. Parce qu'il y a un support et hop. C'est ça. Après ça, je m'adapte en fonction de chacune des toiles, les couleurs qui sont déjà présentes. Qu'est-ce que je peux mettre en relief, en forme. Et puis ça, c'est un jeu. C'est marrant parce qu'on est quand même dans une époque où on sent que le numérique offre des nouvelles possibilités. Et là, justement. On a la sensation que ça t'a un petit peu enfermé. Je sais pas si Fabio, c'est un petit peu la même. Avec l'intelligence artificielle, finalement, tout le monde peut composer numériquement. C'est ce que la réflexion que je me suis fait les derniers temps. Et justement, de là est née l'envie de créer avec ma propre énergie pour faire quelque chose d'unique que l'intelligence ne peut pas faire, l'intelligence artificielle. Qu'elle ne peut pas reproduire. Ouais. Effectivement. Fabio, une réaction par rapport à ça? Oui, c'est vrai que l'arrivée de. L'intelligence artificielle s'impose un peu partout. Après, quand on est là en train de peindre. Au moment de choisir une couleur, au moment au moment où le pinceau dérape et qu'il faut reprendre, c'est quelque chose qui est impossible qui n'est pas prévisible ou impossible à prévoir. Je pense que l'intelligence artificielle pourrait refaire un tableau déjà existant, en créer un, c'est possible évidemment, mais le process est tellement, intuitif et parfois accidentel. Voilà, fait un petit peu de hasard accidentel. Tellement de hasard. On parlait de cette phrase de Picasso qui disait « Quand j'ai plus de bleu, je mets du rouge ». Moi, j'adore. Ça veut dire que tout est important et rien n'est important. Voilà, un échange captivant en tout cas. Très très bel échange effectivement autour de ces nouvelles technologies et de l'inspiration par rapport à ça. On va se mettre un petit morceau, messieurs. J'ai choisi un artiste dont on parle beaucoup en ce moment puisqu'il a été couronné au Grammy Award de très nombreux prix, c'est Bad Bunny, artiste qui compose complètement en espagnol. Je vous laisse découvrir ça, on se retrouve tout de suite pour la suite de l'émission Éclat de Lumière de février. À tout de suite sur Fadjet. ¿Quieres divertir? ¡Ya está frío! ¡Un verano! los años sigo dando palos, vendiendo discos como cuadro Frida Kahlo. El perico es blanco, sí, sí, el tusi racista. No te confundas, no, no, mejor evita. Ey, un chat de cañita en casa de Toñita. Ey, PR se siente cerquita, sí, sí, sí. En el campeonato nadie me lo quita. De ese nuevo, no me guande, de ese nuevo, ¿ok? Puerto Rico. Como va Bonnie, va a ser rey del pop. No tengo adversario, no. Con los yankees los me he avanzado. A correr que otra vez lo sacamos al estadio. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. De retour sur Fadjet, c'est l'émission Éclat de lumière du mois de février. Et Fabio nous disait à l'instant la citation de Picasso, « Quand je n'ai plus de bleu, je mets du rouge ». Et effectivement, c'est une citation qui est plutôt, plutôt intéressante. Et justement, j'aimerais recommencer donc cette deuxième partie d'interview en vous demandant bah, quelle place occupe justement la couleur dans votre œuvre à tous les deux. On est face à deux artistes hein, qui ont un univers très coloré, avec donc beaucoup de couleurs, et on commentait justement pendant la pause la belle lumière de printemps au moment où on enregistre, ouais. Ce qui est rare. Alors dites-moi, quelle place occupe la lumière dans votre œuvre ? Ah, quelle place occupe la lumière ? Et la couleur. Et la couleur. Mais la diffraction de la lumière, c'est la couleur. Oui, c'est vrai. Bon, c'est alors, vrai. Eh ben, c'est une place primordiale. Comme observateur de la nature, eh bien, il y a toutes les couleurs dans la nature si on regarde au fil des saisons. Certaines toiles sont inspirées de l'hiver, la brume, quelque chose de du brouillard, des graphismes fins. Et puis quand on arrive dans des périodes plus dynamiques, hein, au printemps, voilà, on arrive bientôt là, donc il y a pas mal de jaunes, les bleus, ça arrive timidement. Hein. En ce moment, il y a les personnages, les jonquilles, après, etc. Donc moi, en ce qui me concerne, hein, par rapport à la nature, et après ça, dans des périodes très où le soleil est haut, le soleil écrase, il y a du contraste, des ombres, beaucoup de lumière saturée. En tant qu'observateur, c'est sûr que la couleur a une grande place, hein, et d'autant plus que, voilà, pour... J'appréhende la vie d'une belle façon, avec joie, et je pense que la couleur, voilà. Et ça passe par la couleur. Ouais, voilà, tout simplement. Oui, c'est. Alors, bien sûr, c'est vrai que le climat influe sur nos envies, nos désirs. Moi, je suis moins au contact de la nature, c'est pas par choix, mais parce que, en fait, j'ai toujours été, c'est ce que on retrouve, j'ai toujours été fasciné par les affiches de films des années 40, 50. Les films sont en noir et blanc, les affiches sont colorées de manière incroyable, avec des contrastes. Ouais. Et c'est vrai que ça joue beaucoup dans mon inspiration, dans les thèmes que j'aborde, mais surtout dans la coexistence d'une couleur avec une autre. Après, j'ai la chance ou la malchance d'être un peu du type daltonien, et ça fait beaucoup, ça faisait pleurer beaucoup ma mère, enfin ça l'attristait beaucoup, mais et donc, alors je peux conduire, mais en fait c'est les... c'est les zones, les gris, les gris roses, etc. Plein de choses que je ne ressens pas comme tout le monde, ah notamment ouais. les rouges, je les vois moins, moins puissants que d'autres. Donc lorsque j'utilise des couleurs, je ne sais pas trop, vraiment, à peu, ou pas tout à fait, comment elles vont être perçues. Oui, ouais. comment elles vont être perçues, c'est ça. Et j'ai, pendant un moment, je faisais beaucoup de personnages en bleu, parce que j'avais trouvé cette couleur, le bleu manganèse, ça me permettait d'avoir une infinité de nuances, 80 nuances, donc c'est très beau quand on fait des visages ou autre chose, et c'est devenu ma couleur de base, mais et moi je le voyais pas bleu, enfin je voyais bleu bien sûr, mais pour moi c'était mes personnages, et c'est vrai que ça a pu à un moment décontenancer au bout d'un moment cette répétition, donc j'essaie parfois de revenir au noir et blanc, là où j'ai pas de problème, puisque ce sont les nuances du gris. Mais voilà un peu le rapport que j'ai avec la couleur qui est... Et qui donne un autre éclairage quand même un petit peu sur les tableaux qu'on peut apercevoir, parce que nous on les perçoit finalement comme des tableaux extrêmement colorés, que ça soit les personnages, la présence de nature aussi, de fleurs derrière, donc c'est plutôt intéressant ce rapport-là à la couleur justement. Après, c'est, je ne sais pas comment toi tu travailles, mais après on a, comment dire, on apprivoise les couleurs. Ouais. Au bout d'un moment, le rouge que j'utilise, qui est un rouge, par exemple rouge de cadmium clair, pour ne pas le citer, alors j'ai compris comment il agissait. C'est un rouge assez orangé. Moi, je le vois rouge. Bon, voilà, maintenant, c'est ça, on s'habitue aussi à mettre une couleur à côté de l'autre. Hein. C'est ce que je vois dans ton affiche, il y a vraiment une explosion de couleurs, mais il y a une harmonie assez belle. Ouais. Et donc ça se fait comme ça. C'est intuitif, beaucoup aussi. Oui, il y a beaucoup d'intuitif, oui, heureusement. Ouais. C'est ça. Ouais. Est-ce que vous pouvez tous les deux, pour finir cette interview, nous rappeler les dates, pour certains, pas d'autres, et les lieux d'exposition de vos tableaux colorés, qu'on puisse aller les admirer en vrai, plutôt que d'en entendre parler à la radio. Alors oui, bah comme date, donc j'ai l'AXU le 27 février, pendant 3 semaines. Trois semaines. Avec des temps forts, avec quelques animations pour justement être sensible au niveau des publics, alors cette démarche vers l'inclusion aussi. Oui, effectivement. Oui, c'est bien. Puis en plus, tu as le soutien de Lumière en Art. Oui, voilà. Oui. Merci, c'est sûr. Et Fabio ? Alors, donc c'est en expo permanente au local, cet espace galerie qui se trouve au 114 rue Saint-Dizier. Et pour l'expo en elle-même, je participe à une expo à Saint-Dié au moment du salon du Polar. Polar, voilà. C'est ExpoLar, c'est une autre galerie, la galerie La Cour des Arts, qui organise cette expo. Et j'y participe. Et justement, ce thème du polar, ça me donne l'occasion de travailler autrement, d'aller plus dans les noirs et blancs, dans ces clins d'œil au polar des années 50-60. Et de retrouver un peu les affiches de cinéma dont on a parlé. Et c'est carrément ça. Ou les couvertures je puise beaucoup, moi, dans la culture populaire, les bandes dessinées populaires et le fleuve noir, les couvertures de fleuve noir d'une époque, ça m'a toujours attiré. Merci beaucoup, messieurs, pour cet entretien passionnant autour de votre art, de vos œuvres qu'on a pu détailler un petit peu durant cette émission. De toute façon, vous restez avec nous pour la suite donc du programme, mais c'est l'heure tout de suite de l'agenda local de Lumière en Art. On va vous proposer toutes les dates et les rendez-vous importants de ce mois de février et de ce printemps. L'agenda local d'Éclat de Lumière. Gilles, est-ce que tu veux commencer par annoncer les petites informations pour ce mois de février ? Je vais essayer d'être bref. Quelques infos. Oui, s'il te plaît. Passionnantes, en Grand Est et au-delà. Donc, dans Éclat de Lumière, effectivement, ce sont nos suggestions, coup de cœur. Ce sont toujours des choix pas faciles. Alors, effectivement, vous l'avez compris, deux temps forts au niveau exposition. Découvrez le lieu, le local, pour retrouver les œuvres de Fabio Rino. Pour nous, c'est fabuleux. on a eu un coup de cœur avec lui dès le départ. Et puis quand on a vu cette nouvelle vague, tout ce qu'il a fait, voilà. On a suivi d'un œil attentif aussi son exposition au Palazzo des Beaux-Arts, au Catrani, entre autres, voilà. Même en Allemagne, on a des amis qui sont allés là-bas voir ses œuvres quand il exposait à Münster. Enfin, tout à côté de Münster, pour vous situer un petit peu en Allemagne du Nord. Alors, on aura la période des Jokers qui reviennent déjà pour début mars, ça y est, ça fait déjà 3 mois, avec la découverte d'un nouveau spot. Alors, on ne vous en dit pas beaucoup de choses pour l'instant, qui est passionnant parce que c'est une nouvelle démarche dans ce petit restaurant, brunch, salon de thé. Ça va s'appeler Madeleine à Nancy et ça commence demain. Donc, nous, on aura l'occasion de faire cette escale et de poser nos valises gourmandes au moment de ce Joker d'or, donc début mars. Nous accompagnons et nous encourageons un jeune artiste, Renaud Manini, qui va présenter certaines de ses œuvres, donc qu'il a conçues pour une expo donc, au Grand Palais à Paris, 8e, 13 au 15 février, donc c'est bientôt. Et dans le cadre de Art Actuel, puisqu'il y a un salon qui est consacré de plusieurs dizaines d'artistes, salon donc de dessin peinture à l'eau. Voilà, c'est un moment très sympa. Et il a eu la chance d'être sélectionné parmi des centaines d'artistes. Donc c'est une belle aventure et nos amis de Lumière en art de la région parisienne l'accompagneront et y seront. Et puis je terminerai par bien sûr ce qui approche en mars, puisqu'on aura une rencontre privilégiée, puisqu'on a mis un joli partenariat en œuvre avec Livre d'ailleurs. Et on aura la chance de rencontrer Devi Ananda, qui est une figure emblématique en littérature, une grande dame de lettres de l'océan Indien, puis je m'arrêterai là. Voilà, et ça sera de belles rencontres cette année. Le thème global pour l'ensemble des invités sera consacré à l'Afrique, avec de nombreux auteurs qui ont répondu présents et comme partenaires. Donc on suivra cette manifestation au fil des heures et des jours. Et puis au niveau de mars, ça sera un mois très cinéma, puisqu'on engage une démarche de partenariat avec Épinal Fait Son Cinéma, avec une douzaine d'équipes de films, de réalisateurs, comédiens qui viennent. Voilà. Et puis pour terminer, il y aura une petite surprise, on ne vous en dit pas plus. On a prévu début mars une petite interview avec un très très grand réalisateur du cinéma, voilà. Suspense. Et puis je m'arrête là. Merci beaucoup Gilles. Je termine cet agenda en signalant simplement au Centre Pompidou Metz l'exposition qui vient de commencer donc sur Louise Nevelson, une grande sculptrice du XXe siècle qui était un petit peu oubliée ces dernières années. C'est une exposition événement qui retrace un petit peu son univers, ses œuvres. Ça se déroule donc jusqu'au 31 août au Centre Pompidou Metz, qui décidément se démarque par ses propositions d'exposition ces derniers temps. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est un événement un petit peu unique sur la scène donc, de la sculpture au niveau donc, de la Lorraine. Mais si on va rentrer dans la dernière partie de cette émission, c'est le moment un petit peu de mettre en lumière vos derniers coups de cœur. C'est l'interview mise en lumière tout de suite. Alors, on va commencer très simplement par de la littérature. Je rappelle donc, je vous demande vos suggestions au niveau donc culturel, littéraire, cinématographique, musical. Je précise tout de suite, afin que vous ne paniquiez pas, que vous avez le droit de me dire que vous ne savez pas ou que vous n'êtes pas allé au cinéma récemment ou quoi que ce soit. Surtout pas de pression, l'objectif c'est que nos auditeurs repartent avec quelques belles idées de films, de livres, d'expositions ou autres pour ce mois de février. Alors, première question, quel est le dernier roman que vous avez lu ou à défaut, quel est votre livre de chevet? Alors, j'en ai pas. C'est jamais facile. Hein. Ou alors, c'est des livres qui sont... Après, j'ai des auteurs fétiches comme Modiano ou Yves Ravet. Ah, voilà, très bien, Modiano. Et je les suis depuis toujours. Donc, voilà, et ça correspond aussi à ma sensibilité. On peut parler des films aussi. On va arriver pour dessus. Pour ce qui est la littérature, voilà, c'est pauvre, mais c'est ainsi. Oh bah alors, est-ce que je peux faire mieux? Peut-être pas, hein, parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et puis tout ça, c'est vrai que la lecture, elle se fait sur l'écran maintenant. Hein. C'est vrai. Donc, c'est assez vaste. Je me documente sur énormément de choses, mais pas de livres en particulier. Mais remarque, ça pourrait être une bonne idée de, pour les futures interviews mises en lumière, des podcasts ou des chaînes YouTube à proposer. Ah bah, voilà. Pourquoi pas, ça pourrait être une idée. Je la note, je la note. Quel est le dernier film que vous avez vu ou que vous êtes allé voir au cinéma ? Alors, c'est plus un film que je veux voir, parce je crois qu'il a démarré aujourd'hui, on est mercredi. Non, non, pardon. Et c'est La Grazia, de le dernier film de Sorrentino, c'est un réalisateur que j'adore. Ah, bien sûr, Paolo Sorrentino. La Grande Bellezza, etc., etc. Quel univers, quelle folie. Et en plus avec Tony Servillo, son acteur fétiche, qui n'est plus aujourd'hui avec nous. Donc voilà, c'est mon prochain rendez-vous. Voilà, c'est plutôt me projeter vers ce film qui a l'air vraiment prenant. On vous avait recommandé Parthénopée lors d'une de nos dernières émissions. Hein, surtout ne loupez pas. Et surtout allez visiter Naples. Allez visiter Naples, le plus important. Jean-François. Alors moi, je vais jouer à qui trouve. Je vais vous parler. Alors, ça fait des semaines qu'on me dit qu'il faut que j'aille voir un film vosgien. Ah. Un reportage. Oui, je vois ça. Alors, c'est, bah oui. Qui a eu des prix. Hein, oui, partout. Une famille qui observe la nature. Et voilà. Oui. Alors, qui c'est. Mais est-ce que tu as le titre? Ah non, j'ai pas le titre. Ah, juste j'ai pas le titre. On en parle. Mais le réalisateur, il me semble que c'est Vincent Munier. C'est ça, peut-être. C'est ça, ouais, c'est ça. Ah, donc, oui. Donc il parle du grand tétra. Oui, bien sûr. Il photographie les bêtes vosgiennes de façon exceptionnelle. Je vais trouver. Et là, c'est un documentaire vivant. Voilà. Le champ des forêts. Exactement. Le champ des forêts. Alors, je crois qu'il est bientôt plus. Ah oui, ça fait un petit moment qu'il est en salle, effectivement. Ouais, c'est ça. Donc, il ne faut pas tarder là, je crois. Travail de patience. Ouais. Silence. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est très impressionnant. Très impressionnant. La dernière, alors, autre que la vôtre, la dernière exposition ou le dernier spectacle vivant que vous aimeriez recommander à nos auditeurs, s'il y en a. C'est toujours celle qui laisse le plus de blanc, celle-ci, dans l'émission. Si, en tout cas, en ce moment, alors j'espère que j'en oublie pas d'autres, mais il y a une très belle expo du photographe Manu Gauthier à la MJC des Forges, qui est un lieu magnifique pour les expos, et il faut voir son travail en noir et blanc, et aussi son travail en couleur, sur 20 ans, c'est vraiment... C'est beaucoup d'émotions. Et puis, il y a beaucoup d'expos, de gens qui exposent sur les réseaux sociaux ou autres, donc on en voit tout le temps. Mais ça, c'est se déplacer, c'est pas toujours évident. Voilà, je crois qu'elle est encore présente une semaine ou deux. Jean-François. Moi, il y en a une qui me fait rêver, que j'aimerais bien voir, c'est Van Gogh en 3D, qui est passé à Paris. 2025, et puis là, il se déplace... Il y a un peu du Van Gogh. Le mouvement, un petit peu, intuitivement. Ouais, j'aime bien, j'adore ce qu'il fait, hein, vraiment. Elle me fait rêver. Je la vois sur les réseaux sociaux passer, je la regarde, et je pense que ça doit être une sacrée expo. Effectivement, c'est vrai qu'elle fait un petit peu de l'œil quand on la voit. C'est vraiment ce peintre qui peignait depuis 30 ans, et une fois qu'il arrive en France, du côté d'Aix-en-Provence... Ouais. C'est la lumière qui le révèle, parce que tout ce qu'on connaît, tout ce qui est plus, enfin, je ne suis pas un historien de l'art, mais en tout cas ce qu'on connaît le plus de Van Gogh, c'est vraiment toute cette période du sud de la France, et avec ce déferlement de couleurs. Il est descendu dans le sud de la France pour voir la lumière. Ah oui, dans cette petite chambre qu'il a peint 3-4 fois, minuscule, après c'est une vie terrible, mais voilà. Mais justement, alors j'ai envie de vous demander, en tant qu'artiste, est-ce que c'est dans vos habitudes de vous déplacer quand même au musée, que ce soit pour les loisirs, pour aussi peut-être vous inspirer, ou pas du tout, au contraire, vous êtes plutôt non, je reste dans ce que moi je vois au quotidien et ça me suffit. Alors, en ce qui me concerne, je profite toujours du premier dimanche du mois pour aller au musée des Beaux-Arts. Ouais. Alors, c'est pas pour l'économie, mais parce que c'est gratuit, mais ça me donne l'occasion d'y aller. Et alors, bien sûr, le rez-de-chaussée est magnifique, mais le premier étage, avec toute la peinture classique, là ça fait du bien, ça fait du bien, la peinture. Ouais. Mmh. Et puis, il y a l'expo en cours. Celle-ci, on a beaucoup parlé à ce micro, de celle de 1926. Mmh. C'est ça, ouais. Après, la Douera a prolongé en faisant quelque chose sur la thématique autour des œuvres de Friant. Ah, il y a magnifique. Une très belle expo aussi en ce moment qui a démarré, je crois, il y a quelques jours. Du coup, c'est aux archives départementales, c'est sur le blason et l'art héraldique. C'est vraiment, il y a une mise en scène, une scénographie vraiment très belle. Puis c'est un lieu où, où on n'a pas comme ça trop l'habitude de se rendre. Oui, on n'a pas le réflexe et ça vaut vraiment. Et les auditeurs, c'est le moment de noter. Hein. Là, vous avez bien compris. Non, et là, hop, la petite recommandation supplémentaire. Oui. Ils font du très beau travail et voilà, qui mérite d'être. Jean-François. Reconnu. Bah, parfois, au hasard des expos, j'en ai pas des particulières. La grande expo qui me plaît, c'est les 4 saisons. Mmh. Donc, en se baladant dans la nature, Vincent Munier, observer. Voilà. C'est vraiment mon inspiration, la nature. C'est très bien aussi. Ouais, hein. C'est parfait. Nature, je sais pas si on a 4 saisons. Faut s'habiller en ce moment. Hein, que l'hiver dure plus de 6 mois. Mais... C'est ça. Ça dépend de la région, ça dépend d'où on expose. Votre dernier coup de cœur musical ou la chanson que vous écoutez beaucoup en ce moment? Moi, c'est de la musique aborigène pour essayer de retrouver l'essence primordiale de la créativité. Ok. En ce moment, en tout cas. Ok. Est-ce que tu as un titre, un nom à donner? J'ai pas de titre, non. C'est intercontinental. Donc, parfois, c'est de la musique africaine, parfois aborigène, parfois indienne. Voilà, je me nourris de tout ça. Mm-hmm. Sinon, un titre connu du moment, non, pas spécialement. Fabio, quelque chose? Alors, je suis pas très connecté sur les musiques. Voilà, non. J'ai pas de comme ça de référence. Voilà, j'aime beaucoup les reprises. Voilà. J'en profite pour faire un rapide coup de projecteur avant de conclure cette émission pour vous parler, si vous n'avez toujours pas écouté, du dernier album de Sébastien Tellier, Kiss the Beast, qui est sorti il y a un peu plus d'une semaine. Après 6 ans de silence et 2 albums sortis en 2020 qui s'appellent Simple Mind et Domesticated, où il parlait notamment de sa nouvelle vie autour du ménage, etc. C'est un album qui rend vraiment hommage à cette période de la French Touch, avec des rythmes pop, des textes profonds qui désarçonnent parfois, mais qui font toujours résonner quelque chose à l'oreille de l'auditeur. Donc je vous recommande vraiment de l'écouter, parce que potentiellement, en plus, il a annoncé que c'était son dernier album. Donc vraiment, foncez. Et je sais qu'il est en concert en mars à l'autre canal à Nancy, donc n'hésitez pas. Cette émission touche à sa fin, messieurs. Je vous remercie énormément de m'avoir accompagné durant cette heure pour parler d'art. Merci à Gilles également d'y avoir participé, de nous avoir donné toutes ces informations pour la suite pour Lumière en Art. Merci Gilles. Voilà, puis les prochains numéros aussi, c'est Magazine Papier et Lumière en Art. Ah oui, il faut parler du Magazine Papier. Début de semaine prochaine et début. C'est rare. Oui, c'est rare. C'est rare. Je vous rappelle que vous pouvez donc nous retrouver sur les réseaux sociaux de Lumière en Art, que ça soit donc les 2 pages Facebook, que ça soit également la page Instagram ou le TikTok, ainsi que le site internet Lumière en Art. Vous pouvez nous réécouter en podcast également sur le site de Fadjet. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission qui sera dédiée cette fois-ci à la littérature. Gilles a donné quelques graines sur ce qui va aller se passer pour les semaines et les mois à venir avec ce nouveau partenariat. Je ne vous en dis pas plus non plus. Chers auditeurs, on se retrouve donc le mois prochain. D'ici là, surtout, cultivez-vous, sortez, allez au musée, allez voir les expositions de nos invités. Toutes les informations sont sur nos réseaux sociaux. Ciao.